طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عليه رحمة الله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب، donc l'auteur là il poursuit son introduction en évoquant l'importance de suivre la sunna, que ce soit dans la croyance ou dans les œuvres, les actes d'adoration. نعم. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا، وفعلا في غير ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاتباع، بل الله سبحانه وتعالى قد أمرنا باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. Donc, comme il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enjoint et encouragé à suivre sa sunna. Et d'une manière encore plus évidente, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ce qu'on suive le prophète alayhi salatu wa sallam, et à ce qu'on suive ce qui a été révélé au prophète alayhi salatu wa sallam. قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Suivez ce qui a été révélé de la part de votre Seigneur, et ne suivez pas en dehors de lui quiconque parmi les alliés. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء. Je vous ai laissé sur une voie claire. ليلها كنهارها. De nuit comme de jour. لا يزيغ عنها إلا هالك. Et ne s'en écarte qu'une personne qui court à sa perte. نعم. وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. Et on nous a mis en garde de suivre les choses innovées. Et on nous a informé que ça fait partie, que cela fait partie des égarements ou des choses qui provoquent l'égarement. نعم. Et ensuite il est venu avec le hadith de quel compagnon? Hadith Irbad ibn Sariya. Hadith azim jiddan. Fihi al-hath على التمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Dans ce hadith qu'il a évoqué, le hadith d'Irbad ibn Sariya, il y a énormément de leçons à tirer. On n'aura pas le temps de toutes les voir. Mais dans ce hadith, il y a comme premier enseignement le fait de s'accrocher à la sunna. Et la sunna, comme a dit l'imam Malik, la sunna najah. La sunna, c'est un secours sur chaque continent, sur chaque terre, à chaque époque. Celui qui pratique la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala, yunji. Allah subhanahu wa ta'ala, il le sauve. كان بعض السلف يقولون السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها وأعرض عنها هلك. Certains salafs, ils avaient l'habitude de dire que la sunna est comme l'arche de Noé. Celui qui y pénètre en sera sauvé, et celui qui s'en détourne sera détruit ou noyé. نعم. طيب. Est-ce que toute chose innovée est mal? est un égarement et un Ismaïl. Toute chose innovée. Eh, al-muhdathat. لا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Il dit tout ce qui a été innové est un est une bid'a. Est une inno, yani tout ce qui est, toutes les nouveautés sont une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et dans une version, وكل ضلالة في النار. Et tout égarement mène au feu. Non. C'est pas bon. Comment il dit? Il faut approfondir en fait. Tu ne peux pas dire non d'une manière absolue et tu ne peux pas dire oui d'une manière absolue. Si le but visé par les nouveautés, c'est des choses extérieures à la religion, qui n'ont rien à voir avec la religion, si elles ont une utilité pour les musulmans, fawakhir. Si elles ont une utilité pour les musulmans, fawakhir. Mathalan, les voitures, les téléphones, jusqu'à même certains satellites. Ça fait partie des nouveautés, mais ça rentre pas dans la religion, donc c'est permis. Et celles qui sont visées par le hadith, ce sont les nouveautés dans la religion. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ces versets, c'est les, selon certains mufassirins, ce sont les derniers versets du Coran qui sont descendus. Comme quoi Allah il dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Certains salafs, ils ont dit fama kana ou fama laysa kana laysa min ad-din hina idin fa laysa yawma idin dinan. Ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque, c'est-à-dire à l'époque où ce verset il est descendu contre Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. Ça veut dire que tout est complet, il n'y a pas besoin qu'on rajoute. Donc ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque-là, ça n'en fera pas partie à notre époque. Naam. Tayyib, ala kulli hal. Là, on rentre dans un paragraphe azim jiddan sur le fait de s'accrocher à la sunna et de délaisser toute forme d'innovation. Tayyib, al-bid'a هناك تقسيم الى al-bid'a الحسنة والبدعة المحرمة. Il y a un taksim que certaines personnes de certains savants ils ont fait. Comme quoi il y a des bonnes bid'a, des bonnes innovations et des mauvaises innovations. طيب. Ou ceux qui ont pris comme dalil comme quoi il y a des bonnes bid'a dans le din. Ils ont pris la parole de Omar lorsqu'il a vu les musulmans se regrouper pour la prière de Tarawih. Faqal ni'mal bid'a hadi. Quelle bonne bid'a hadi. Tamam. Fa est-ce qu'il y a vraiment un taqsim yani une séparation à faire, la bonne bid'a ou la mauvaise bid'a? الله على ما صاحبنا نعم طيب سيدي يا une bonne bid'a par exemple le chapelet c'est pas vraiment la sunna, c'est une innovation on va dire dans l'adoration et dans la façon de faire l'inscar. طيب من يقول مثله طيب هل هناك بدعة حسنة؟ فايز؟ سي سي لا دون كاد الحديث سي با فريمون اون بدعة باسكو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي عمل فيه لي لا لا رميسا او جوجو فريمون الوغ اسكو كاين بدعة حسنة؟ الله أعلم ma fille. En vérité, il n'y a pas de bonne bid'a. Tout ce qui est bid'a, dalal. Lihad al-hadith. Kullu bid'atin, dalala. Kullu bid'atin, kull min al-fadil umum. Tamam. Toutes les bid'a, toutes les innovations en termes, yani, en religion, sont un égarement. Fa, le chapelet, même s'il y a un khilaf, il y a un khilaf بين أهل العلم, certains ils disent que la baisse, ça s'est raconté, mafia, c'est pas une adoration en soi. C'est juste on le prend pour compter. Mais quand tu vois les gens aujourd'hui, ils le prennent plus que pour compter. C'est-à-dire s'ils l'ont pas, c'est-à-dire à la limite s'ils l'ont pas, ils peuvent pas faire leur dhikr. Tamam? Wa Cheikh Al-Albani wa Cheikh Mouqbil disent c'est une bid'a, le chapelet là. C'est une bid'a qu'il faut s'éloigner. Et ils ont un dalil qui est fort. Le hadith de Abdallah ibn Mas'ud. Abdallah ibn Mas'ud, il est rentré dans une assemblée où il a vu des gens qui entouraient une personne. Cette personne, elle leur dit Hallilo, mi'atan. Fayuhallilouna mi'atan. Il leur dit, dites la ilaha illallah 100 fois. Et tous ils disent la ilaha illallah 100 fois, ensemble. Ensuite ils disent, kabbiru, mi'atan. Dites Allahu Akbar 100 fois. Et tous ils répètent Allahu Akbar 100 fois. Là quand tu vois la scène, tu ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais. Parce que c'est que du dhikr. Tamam. Mais la manière dont ils l'ont fait, c'est innové. Abdullah ibn Mas'ud dit, soit vous êtes sur une guidée qui est meilleure que celle du prophète alayhi salatu wassalam, ou soit vous êtes sur un chemin aux portes de l'enfer. Pour leur faire comprendre que ce chemin que vous empruntez, c'est vraiment un égarement wadih. Donc, en islam, il n'y a pas de bonne bid'a. La bid'a kulluha shar. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui innove dans ma religion une chose qui n'y est pas, ça sera rejeté, renvoyé. Inna Allah tayyibu la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon, il n'accepte que ce qu'il est bon. Naam. Laysa kullu man yurid al-khayr yusiba. Naam. La parole célèbre aussi qu'il a dit dans ce hadith à Abdullah ibn Mas'ud, ce n'est pas toute personne qui veut faire du bien qui l'atteint. والقاعدة المعروفة التي سوف ندرسها أن العبادة كلها توقيفية والأصل في العبادة الحظر. Il faut retenir deux choses. C'est que l'adoration en islam, elle s'arrête à un dalil. Elle ne s'accomplit qu'avec une preuve. Que ce soit l'évocation d'Allah, que ce soit la salat, que ce soit la récitation du Coran, que tout ça, toute adoration, elle ne s'accomplit qu'avec une preuve. C'est ce qu'on appelle tawqifiyya. Wa kadhalika al-asl fi al-ibada al-hadr. Et la base dans l'adoration, c'est qu'elle est interdite. Jusqu'à ce que tu aies un dalil qui prouve que tu as le droit de le faire. Ça, c'est la base dans l'adoration. Tu veux faire une adoration, sache que c'est interdit pour toi. Jusqu'à ce que tu aies un dalil qui te prouve que tu peux la faire. Tamam? Donc, on se doit d'adorer Allah Azza wa Jal à la basira. Faïd. Inch'Allah, il n'y a pas la peine qu'on lise dans le char de l'Uthaymin les wudouh al-kalam. Taïb, qala, wa qala Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Et ça, c'est une parole azim de Abdullah ibn Mas'ud, où il dit: suivez et n'innovez pas, car certes ce que vous avez vous suffit. Suivez et n'innovez pas, car certes ce que vous avez, ce que vous détenez, vous suffit. Suivez quoi, Ismaïl? Abdullah ibn Mas'ud dit: suivez et n'innovez pas. Suivez quoi? Eh, suivez le prophète d'Allah Azza wa Jal. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم. Donc ça, c'est une parole de عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز, on le surnomme le cinquième calife, alayhi salam. Allah alam. On le surnomme le cinquième calife, non? Allah alam. On le surnomme comme ça? Allah alam. Andak ya bahad. Le cinquième calife. Qad sami'ta bi hada. Wa anta kadhal. Ma sama'a tadri. Ma tadri? Tadri ou la ma tadri? Tadri. Khalas. Waqif. Tayyib. Ismaïl. هذا عمر بن عبد العزيز سير سانكيم كاليف دي الإسلام. لحظة نعود إلى صاحبنا وحبيبنا أبي هند. طيب عمر بن عبد العزيز يديس كي سير سانكيم كاليف دي الإسلام, وأنت موافق لذلك؟ ما أنت موافق لذلك؟ لماذا؟ يدّيّس كلّه خامس كاليف، enfin c'est un calife après les quatre califes, mais c'est pas un calife parmi les califes. Bien guidé. طيب لا يبدو مسألة لك, لا يبدو مسألة من هذا الكلام. أولا, لكمانسي les quatre califes bien guidés. Est-ce qu'il y a un dalil wadih qui est venu et qui les a qui a formellement reconnu comme quoi ces quatre califes ils sont bien guidés? Parce que dans le hadith qu'on a là, le prophète sallam il dit al khulafa ur rashidin, al khulafa ur rashidun. Il a dit les califes bien guidés. طيب, mais il n'a pas dit quatre. Donc là, comment tu sors Abdallah Omar ibn Abdelaziz des quatre? Faut que tu aies un dalil. Dalil, hein? Les quatre califes, on sait qu'ils sont promis au Jannah. طيب لكن هذا ما يكفي. C'est vrai que s'il est promis au Jannah, forcément il est bien guidé. Jamil, ça peut être un wajh. لكن هناك il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il évoque la période du califat bien guidé. Et il dit, dans le hadith, ça va être un califat de 2 ans. Ensuite, il y aura une coupure. Puis un califat de 9 ans. Le 2 ans, 2 ans, c'est celui de qui? Abu Bakr. Ensuite, 9 ans. 9 ans, c'est celui de qui? 9 ans ou 7 ans, je ne sais plus. Omar. Ensuite, 12 ans. Ali. Et ensuite, voilà, comme Ali, Othman, Othman. Et le dernier, Ali. Combien c'était? Combien? 6 ans. 6 ans. Là, ça fait combien en tout? Normalement, ça doit faire 30 années. Tamam? Al-Muhim, le prophète, il a affirmé que ces 30 années, c'est un califat bien guidé. Et c'est vraiment les années de Abu Bakr, du temps de Abu Bakr jusqu'au temps de Ali ibn Abi Talib. Taïb. Donc là, on sait que ces quatre-là, c'était les califes bien guidés. Taïb. On revient à la Messala. Est-ce que Omar ibn Abdelaziz, on le nomme le cinquième calife ou là? Hein? Hendak? أقول لا ليش لهذا الحديث طيب لكن ça c'est les quatre califes bien guidés après voilà c'est on peut dire c'est un cinquième c'est le cinquième calife juste après واش عندك اسماعيل Aïe, s'il y avait un cinquième calife, on devrait dire un cinquième calife, on aurait dit Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui est le compagnon qui notait le wahy du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire un compagnon, il sera toujours mieux qu'un tabi'in. Ceux qui n'ont pas vu le prophète, alayhi salam, mais qui ont vu les compagnons. Omar ibn Abdelaziz, c'est un tabi'in. Jamais vous le verrez plus élevé qu'un compagnon. Surtout un compagnon comme Muawiyah. Mais en fait, c'est une chouba des Ikhwan al-Muslimin. Ikhwan al-Ikhwan al-Muslimin, comme Al-Banna, ceux qui ont fondé la secte des Ikhwan al-Muslimin, eux, ils sont venus avec ces aqawil. Pourquoi? Parce qu'ils ont un dégoût comme Saïd Qutb. Saïd Qutb, il fait partie des mashaykhs, des savants, des Ikhwan al-Muslimin. Wa hadha ar-rajul qad ta'ana fi Muawiyah wa fi man wa fi Amr ibn al-As ta'ana shadida. Ils ont un bourd contre Muawiyah et contre Abdallah Amr ibn al-As. Tamam? Et par rapport à ce bourde-là, ils te disent, ouais, le cinquième, lui, c'était en gros, c'était. C'est son, le temps où il a gouverné, c'était Walashi. Mais le vrai calife, c'est celui qui est venu après lui, Omar ibn Abdelaziz. Wada qawlun batil. Tamam? Ala kulli hal, c'est un imam quand même. C'est un imam. Omar ibn Abdelaziz, imamun. Imam. Wa hasala fi zamani. شيء من الأخطاء في أي خطأ وقع في أي خطأ وقع أي نعم أي نعم فعمر بن عبد العزيز أبقس عن اجتهاد كما سبيل الحاكم إذا اجتهد وأصاب له أجرا وإذا أخطأ له أجر واحد Omar ibn Abdelaziz, à son époque, c'est lui qui a permis que la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam soit agrandie. Taïb. Ce qui fait de surcroît que on a fait rentrer la tombe du prophète alayhi salam dans la mosquée. Et la plupart des ulémas kibar, les plus grands des a'imma de son époque, ils ont critiqué fermement cette décision de Omar ibn Abdelaziz. Le fait de faire entrer la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée pour l'agrandissement. Taïb. Et on ne doit pas prendre de ce fait là le fait de juger qu'il est bon de construire une mosquée sur les tombes. Tamam? Le fait de dire qu'il y a des calibres bien guidés, ça veut dire qu'il y a un contraire. Hein? Le fait de dire qu'il y a des calibres bien guidés, ça veut dire qu'il y a un contraire, qu'il y a des calibres bien guidés. Naam. Il y a des califes, mais le mot calife, tu ne vas plus l'employer après. Après les califes bien guidés, ça ne sera que des rois en vérité. Muawiyah ibn Sufyan, on l'a jamais appelé le calife. On l'a appelé Emir al-Mu'mini, le prince des croyants. En fait, après c'est l'époque des califats, ça va être une époque de royauté. Que des rois. Tamam? Donc Muawiya, il fait partie des rois. Tamam. Et non des califes. Mais c'était un roi juste, Adil. Naam. طيب دونك عمر بن عبد العزيز دي قف حيث وقف القوم فانهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا اقوى وبالفضل لو كان فيها احرى فلئن قلتم دونك لا باري cet imam عمر بن عبد العزيز il enjoint les gens à s'arrêter là où se sont arrêtés les pieux prédécesseurs. Et pourquoi l'imam il ramène ce genre de paroles dans cette introduction? Introduction qui concerne un livre sur la aqida. Eh, l'inna aqida ahl sunnah ala hadha al mabda. Elle repose sur cette chose-là, le fait de s'arrêter sur ce sur quoi se sont arrêtés le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Nous on va pas aller à dire oui mais on nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basir. Tamam. Ou Allah subhanahu wa ta'ala la yad. Allah il a une main. On va pas chercher est-ce qu'il y a des ongles, est-ce qu'il y a des poils ou autre chose. Là, nahnu naqif haythu waqaf al-qawm. On s'arrête là où le dalil s'est arrêté. Tamam. Sans rajouter quoi que ce soit. Tayyib, fa la in qultum hadatha ba'dahum فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه ما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزوا عنهم أو وتجاوزوهم آخرون فعلوا فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نعم. على كل حال سيدي فقال عظيم sur le fait de s'accrocher à la sunna. On en lit encore une et on passe au درس d'après. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه. Le mieux c'est de dire Rahimahullah. Alayka bi athar man salafa wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. C'est un kalam jamil jiddan. Accroche-toi à ce que tu détiens des pieux prédécesseurs, même si les gens se détournent de toi. Même si les gens se détournent de toi. Et prends garde aux avis des gens, même si ils te l'embellissent. Même si ils te l'embellissent. Vous voyez, mon actafi, il y a un cadre, il y a un kitab.